comme des fous. On va s'aimer malgré tout. On va se faire montrer du doigt par tous ceux qui n'y croyaient pas. Nous, comme des fous, cœur contre cœur jusqu'au bout. On va écrire au jour le jour notre nouvelle histoire d'amour. Comme un rocher contre la mer, comme un soleil contre l'hiver, notre bonheur, nous saurons le défendre. Nous, comme des fous, on va s'aimer jusqu'au bout. On va écrire au jour le jour notre nouvelle hymne à l'amour. Comme des fous, aimez-vous fort comme nous. Les cœurs qui battent à l'unisson ont toujours raison des canons. Vous, comme des fous, il faut y croire jusqu'au bout. Nous écrirons jour après jour notre nouvelle histoire d'amour. Vienne, qui que tu sois, cherche une main et serre-la. Ne passe pas, c'est ta dernière chance. Nous, comme des fous, on va s'aimer jusqu'au bout. On va chanter jour après jour notre nouvelle hymne à l'amour. Tu m'aimes.